Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Marie-Paul Bell. Votre nuit rêvée, Marie-Paul Bell. Rebonsoir, Marie-Paul Bell. Rebonsoir, Philippe Garbi. Alors, une nuit commencée en votre compagnie, ce qui est bien normal et qui fut très instructif, donc, où l'on a pu entendre « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée », une émission de José Pivin qui recevait la toute jeune Françoise Malet-Joris en 1961 sur France 2 régionale. À 1h35, on a pu entendre « Magazine bleu », autoportrait de la chanteuse Marie Dubas, c'était sur Radio Côte d'Azur. Puis, à l'instant, « Peinture fraîche », Gustave Klimt, « Elle et femme », une émission de Jean Dève. Alors, toutes ces archives, donc, eh bien, les auditeurs qui viennent d'arriver comme ça à l'écoute pourront les réécouter en ligne, les écouter sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture, mais qu'ils ne se précipitent pas tout de suite pour écouter cela en ligne, parce que voilà, nous avons encore toute une grande partie de la nuit, de votre nuit, Marie-Paul Bell. Alors, dans ma magazine bleu, la chanteuse Marie Dubas se livrait à un autoportrait, c'était en 1950. Vous, les autoportraits, ça serait quoi alors si vous aviez, et vous avez, je me souviens donc d'une très bonne série de Martin Penney, Un avoine nu. Oui. C'est un autoportrait, mais finalement, quand on est interviewé, c'est un peu différent du moment où on écrit soi-même, où on se met face à un micro tout seul, ce qui est un petit peu artificiel, parce qu'on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un en cabine qui vous écoute, bien sûr. Mais quand même. Je n'arrive pas trop à parler de moi. Je parle de moi dans mes chansons, je veux dire, pas avec les mots des autres, mais les autres savent très bien me cerner. Je peux pas chanter quelque chose que je ne vis pas ou que je ne ressens pas. Ça m'est très difficile. Ce que je chante, c'est souvent très autobiographique. Mais c'est difficile de parler de soi. Moi, j'ai jamais écrit un journal, par exemple. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'écrire jour par jour ou même de temps en temps ce que l'on vit. J'ai vu Françoise Malet-Joris le faire tous les jours. Tous les jours, elle tenait son journal avec des réflexions sur son travail, sur son écriture, sur ce qu'elle pensait. Et j'ai même d'ailleurs un exemplaire de plusieurs journaux reliés qu'elle m'a donné et où il y a au milieu de ses réflexions de travail, des listes de courses, des réflexions personnelles, des bouts de chansons, avec sa petite écriture ronde et très serrée, c'est très émouvant. Mais moi-même, j'ai commencé, après la mort de Françoise, j'ai commencé à écrire deux ou trois réflexions comme ça sur un petit carnet qu'on venait de m'offrir. Mais je sais pas, peut-être je continuerai, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis par la musique. Le jour de la mort de ma mère, j'ai joué du piano. Et ça a scandalisé les voisins qui sont descendus pour dire à mon père « Mais comment elle joue du piano le jour de la mort de sa mère, etc. » Et mon père a très bien répondu, a dit « Elle en a besoin. » Et donc il a été très bien. Mais quand que je sois triste ou joyeuse, je m'exprime par le piano et surtout quand je suis seule. Mais c'est souvent maintenant, de plus en plus, plus je vieillis, j'ai tellement été dans la musique, plus je vieillis, plus je suis dans le silence, en fait. C'est très bizarre. J'écoute moins de musique et j'en joue moins, sauf évidemment quand je dois répéter des concerts ou des tours de chant. Alors, par exemple, vous avez choisi alors Offenbach. Oui, ah ben ça, bien sûr, mais ça, c'est mon chéri. Ça, j'adore. Et puis en plus, il est tellement vivant, joyeux. Et il a des mélodies extraordinaires, des harmonies formidables. Et en plus, Offenbach me fait penser à ma mère parce qu'elle avait une passion déjà pour Offenbach. Après, j'ai retrouvé cette passion chez Françoise et qu'on a partagée. Mais je vois ma mère chanter la barcarolle. Da, da, da, da, da, da, da, da. Je vois son mouvement de tête et c'est comme une berceuse pour moi d'enfance. Je trouve qu'il a des mélodies extraordinaires. L'air de la Péricole, c'est magnifique. J'adore. La Parisienne, ça vient d'Offenbach, la chanson. Oui, parce que ça venait. Il fallait que j'écrive dans ce style-là pour ce spectacle familial. Familial, oui. Et donc j'avais fait cette musique-là. Et donc après, on m'a dit, ah, mais vous, c'est copié sur Offenbach, c'est comme, bah, j'espère que c'est pas copié, c'est des harmonies qui rappellent les climats d'Offenbach, comme quand j'ai écrit Wolfgang et moi, évidemment ce sont des harmonies qui rappellent les harmonies de Mozart, mais sauf la fin. Oui, ça, oui, dans la fin c'est l'hymne à la joie, et là c'est carrément Ludwig est la neuvième, mais je veux dire, c'est que des clins d'œil ou des références, et c'est ce qui amuse les gens, je pense. Et quand on écrit, alors j'imagine très bien l'écriture à trois dont vous nous avez parlé, Marie-Paul Bay, dans la première partie de votre Nuit rêvée, cette nuit sur France Culture, j'imagine très bien vos réunions gris-gris, donc Michel Grisolia, que l'on entendra dans un instant dans Un livre des voix, parler de son roman L'Excelsior, c'était en 1995, Françoise Malé-Joris, et donc vous trois devenant une seule personne pour écrire des chansons, je vous imagine très bien donc dans la joie, dans l'humour, l'ironie, voilà. Mais quand les chansons sont alors tristes, pour employer un mot un peu trop simple, peut-être, mais enfin mélancolique, comment ça se passait? C'était aussi dans le sourire, dans le rire, et finalement quelques nuances comme ça changeaient. On riait peut-être moins, mais on avait aussi des éclats de rire, parce qu'en cherchant des mots, on ne trouve pas toujours le bon mot, et donc ça fait des... On a des lapsus, je veux dire, on est... Oui, on caracole sur le vocabulaire de l'autre, on cherche, on est complètement... Et puis, bon. Mais c'est vrai que pour les chansons mélancoliques, je m'isolais un peu plus dans la musique et je cherchais un peu en dehors, parce que je m'imprégnais des mots de départ, parce que pour partir musicalement j'ai besoin ou d'un sentiment ou d'un départ de deux vers ou de quatre vers, donc si c'est une chanson mélancolique ou grave ou engagée, on disait ce mot-là à l'époque, il fallait que je me concentre un peu plus en dehors du brouhaha de nous trois. Et à ce moment-là, quand j'avais trouvé une structure qui me paraissait convenir à leur idée ou à leur texte, à ce moment-là, je re-rentrais dans le mouvement du trio. Et c'était facile? Oui, oui, parce que on se connaissait tellement bien, je veux dire, on était... Gris-Gris, c'était comme mon frère. Mon meilleur ami, mon frère, François, c'était en même temps comme ma sœur, ma mère, ma fille, mon amante, mon amour, ça a tout été pour moi, François. C'est la personne de ma vie, la personne de ma vie. On a bien compris, hein. Et on est content de l'avoir entendu donc en début de nuit, Marie-Paul Bay. Michel Grisolet, on va l'entendre, donc il parle de son roman L'Excelsior, et finalement c'est une époque, ce personnage qui pourrait être Michel Grisolia, adolescent. Oui, complètement, voilà. Il était un peu comme ça. Oui, alors allant dans un cinéma, apprenant la vie, dans tous les films, mélangeant la vie, évidemment, la réalité, la fiction, etc. Il était comme ça, parce qu'il était très très cinéphile, il écrivait déjà des cahiers où il écrivait des pièces et des nouvelles de théâtre, des critiques, je veux dire, après il a été un critique très connu, je veux dire. Et un romancier. Et un scénariste très connu de cinéma aussi. Et vous alliez avec lui, là, Gamine au cinéma à Nice? Non, parce que j'avais pas la permission d'aller au cinéma si jeune. Il y allait vraiment très très jeune et il y allait seul. Et je veux dire, il voyait des films peut-être qui étaient pas des films d'enfants, on va dire, ou même d'adolescents. Il était très mûr. Il lisait beaucoup et il parlait beaucoup avec maman aussi, qui lisait énormément. Donc il y avait tout ce côté comme ça. Et L'Excelsior, c'était un cinéma je connais le nom de L'Excelsior, mais je n'y suis jamais allée. Donc je veux dire, je connaissais tous ces lieux et toutes ces images, ou même les films au départ. Avant de les avoir vus après, quand j'étais plus grande, entre guillemets, je veux dire, je les connaissais déjà par Gris-Gris. J'avais son image et sa lecture à lui des films cultes. Mais si je vous ai bien écouté, Marie-Paul Bay, c'est le cas, c'est le meilleur ami d'un frère, de votre frère. Oui, c'est le meilleur ami. Ils étaient en classe ensemble. Alors vous l'êtes approprié, voilà, finalement. Voilà, oui. Alors justement, ça a été un problème pour moi à un moment donné, parce que je me suis dit, c'est comme si je lui avais pris son ami, quoi. Parce qu'ils étaient comme deux frères jumeaux. Et mon frère, Jean-Michel, qui est libraire à Nice et qui est... spécialisé dans les livres anciens, les livres rares, etc. Je veux dire, il a une culture extraordinaire et il a toujours le même humour un peu anglais, un peu détaché comme ça. Et donc quand Grigri est monté à Paris et que je l'ai retrouvé et qu'on a travaillé ensemble, Jean-Michel était tout seul resté à Nice. Donc j'ai culpabilisé un peu de ça, de lui avoir volé son ami, entre guillemets. Mais bon, ils correspondaient toujours ensemble et bon, et la vie fait que c'était comme ça. Je veux dire, on a travaillé ensemble, mais c'est vrai que on était une bande de copains d'enfance comme ça, dans le même esprit. Alors, vous étiez une bande de copains et puis vous étiez la petite fille d'une Corse. Vous nous l'avez dit, oui. D'où sans doute le choix d'une émission consacrée. Enfin, à la cuisine corse, non, c'est beaucoup dire, mais en tout cas au fromage, au fromage corse, puisque on pourra écouter De bouche à oreille de René Elkheim-Bollinger, qui s'était intéressé aux chèvres, brebis, brochu, excusez-moi, ma prononciation, dites-moi. Au brooch. Nous on dit le brooch, mais parce que la fin du mot ne se prononce pas, c'est comme vous dites pas Porto Vecchio, vous dites Porto Vecchio. Vous dites Porto Vecchio, si vous voulez, dans ma famille, il y a des personnes qui, il y avait mon oncle qui était le cousin de Germain de maman, qui a été député de la Corse, il s'appelait Jean-Paul de Rocasserre. Mais on disait pas de Rocasserra, on disait de Rocasserre. C'est comme, on mange la fin des mots, donc c'est pour ça qu'on dit le brooch. D'accord. Alors qu'est-il d'extraordinairement particulier? C'est du lait caillé de brebis, de fromage de brebis, et c'est très très bon. Et on peut le manger aussi bien dans des ambrociates, je veux dire, dans des petits gâteaux comme ça, ou dans le fiadone, par exemple. Ce sont des gâteaux au citron comme ça qu'on fait au four, je veux dire, avec ce fromage-là. Ou alors on peut le manger aussi bien dans les cannelloni au brooch, ou alors des omelettes au brooch. Avec la feuille de menthe, ça c'est très très bon. Il y a un restaurant à Paris, près de Beaubourg, qui l'a fait très bien, cette omelette. Et puis, je veux dire, on peut aussi le manger, je veux dire, comme ça, je veux dire, avec du sucre ou du miel, je veux dire, c'est très très bon. Et il y a une période surtout où il faut le manger, on ne peut pas le manger en été, c'est vraiment en hiver qu'il faut le manger. Et c'est là où il est le meilleur. Alors, on nous dit dans cette émission de bouche à oreille qu'il y a à peu près 300 sortes de fromages. C'est-à-dire qu'en France, il y a censé y avoir 400 fromages différents et que c'est très difficile de s'occuper, de gouverner un pays qui a autant de oui, oui. De dizaines et dizaines de Gaulle, fromages. Je crois qu'il avait voilà. dit ça. Oui. Mais donc, la France, mais alors, la Corse, l'île, là, elle a autant de fromages que ça. Ah oui, il y en a énormément. Et puis des fromages très différents, parce que si vous mangez... Moi, j'aime pas trop les fromages qui marchent tout seuls, vous savez. Enfin, c'est mon expression, mais parce qu'il y a des fromages où il y a des vers, des asticots dedans. Donc, on voit les asticots sauter. Les vrais amateurs aiment bien manger quand ça croque un peu sous la dent. Ça fait de l'animation, en tout cas. Oui, moi, j'aime pas trop ça. Moi, le Venaco et tout ça. Il y a des fromages très forts, et puis il y a des fromages. Oui, il y a énormément de fromages en Corse. Ils sont très bons. Mais il n'y a pas que les fromages. Hein. Mais par exemple, ma grand-mère, qui était bonifacienne, elle faisait les melanzane frites, mais elle faisait aussi les aubergines. Melanzane, ça veut dire aubergine. Et donc, elle faisait les aubergines frites, mais elle faisait aussi les aubergines farcies, c'est-à-dire coupées en deux avec, on peut mettre du brooch à l'intérieur avec de la sauce tomate et tout ça. Ça, c'est très, très bon. Alors, ça va être difficile de passer à l'émission qui suivra, parce que après, donc, de bouche à oreille, chef, brebis, brooch, il sera question dans une émission que Raphaël Antoven avait produite en 2009, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Il sera question des philosophies d'ailleurs, les pensées tibétaines. Ah, ça, c'est, mais non, pourquoi? Non. C'est la nourriture terrestre, après la nourriture spirituelle, elles se correspondent complètement. Alors, donc, la pensée tibétaine, vous vous êtes mise ainsi, comme ça, Marie-Paul Bell? Mais j'ai découvert ça parce que j'ai, si vous voulez, à la mort de ma mère, j'ai été très révoltée contre la religion parce que bon, j'avais des parents très catholiques pratiquants, surtout venant d'une éducation corse, matriarcale, etc. Et ma mère est partie assez vite, et quand j'ai voulu chercher un prêtre pour lui donner l'extrême onction, elle était en train de mourir et elle n'était pas dans son quartier. Et donc je cherchais un prêtre, et je suis arrivée auprès d'un prêtre et il m'a dit « je ne me dérange pas, ce n'est pas mon quartier ». Donc ça m'a énormément choquée. Donc bon, heureusement j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui était très bien. Mais en fait, ces rituels de prière automatique, je veux dire, ça m'avait un peu même énormément refroidi, et j'avais un recul par rapport à la religion, pas un recul par rapport à Dieu, à la croyance d'une force d'amour qui nous englobe et à laquelle on peut faire appel. Maintenant, aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas croyants, appellent ça l'énergie spirituelle qu'on retrouve dans les philosophies chinoises, japonaises, le ki, je veux dire, l'énergie qui sert à soigner, etc. Donc, à la mort de maman, j'ai eu un recul par rapport à ma religion, la religion catholique, et j'ai fait une recherche personnelle pour essayer de voir quels étaient les points communs que l'on pouvait retrouver dans différentes religions, la religion juive, la religion catholique, la religion tibétaine, je veux dire bouddhiste. Donc, et même par rapport à la symbolique des chiffres, le 7, le 12, le 21, après ça m'a orienté vers la numérologie, vers des choses un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle des sciences ou les connaissances parallèles, même l'astrologie, je veux dire, tout est lié, on se retrouve que tout est lié, mais ce qui m'a énormément attiré dans la philosophie bouddhiste, tibétaine, j'avais lu le livre des morts tibétains, donc c'était la correspondance après la mort, justement, de la survivance de l'âme qui reste 3 jours attaché par le fil d'argent au corps, et donc ce qui pouvait expliquer les 3 jours de veille dans les traditions très catholiques en Corse, par exemple, avec les veillées des morts, où on retrouve aussi ça dans la tradition juive, où il faut respecter un délai avant d'enterrer le corps, etc. Donc tout ça m'avait passionné, et c'est surtout dans la recherche philosophique de se connaître soi-même et de s'améliorer soi-même pour progresser. Et donc après, j'ai découvert, si vous voulez, la notion de karma, la notion de réincarnation, toutes ces choses-là qui m'ont passionné. Et donc, j'ai lu des livres d'Alexandra David Neal, j'ai commencé à lire des livres et des pensées du Dalai Lama. Et donc, voilà. Donc, après, je me suis fait ma cuisine à moi, spirituelle. Qui fait que je crois beaucoup, beaucoup à la force de cette énergie spirituelle qui nous aide. Et donc, je crois beaucoup, beaucoup à la force de la prière. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Je veux dire, je crois que la prière vraiment est une force, et que si, même si on n'est pas croyant, si on appelle à l'énergie universelle en disant, en demandant de l'aide et en sachant qu'une force d'amour extérieur peut nous transporter et nous élever, je pense que on se sent samouraï, parce que même les épreuves et les très gros échecs qu'on a dans la vie vous aident à progresser, à avancer, et même je pense qu'on avance mieux et plus fortement grâce aux épreuves. Mais quelle différence entre les chagrins et les échecs, quand même. Les chagrins, c'est terrible, mais l'échec, oui, ça mais parce pas. Que le L'échec, c'est déjà une erreur qu'on a dû faire, peut-être qu'on ne doit pas reproduire, donc ça nous apprend. Et le chagrin, c'est pour... On se rend compte que quand on a un très grand chagrin, quand on le vit, on se pose la question, pourquoi je dois vivre ça? Qu'est-ce que c'est cette douleur? C'est épouvantable. On regarde en bas et on ne voit pas comment on va se sortir du trou. Alors évidemment, après, on apprend à regarder en haut. Et on se rend compte que finalement, dans ce chagrin, dans cette douleur, on a vécu telle expérience, on a rencontré telle personne qu'on n'aurait pas rencontrée dans une autre occasion, on n'aurait pas vécu tel ou tel sentiment si on n'avait pas vécu ce chagrin, etc. Et donc ça vous fait franchir des étapes qui vous... font progresser, qui vous améliorent et qui vous ouvrent d'autres portes. Et quand vous avez ouvert ces autres portes, à ce moment-là, vous faites la rencontre qui va être celle qui va vous apporter quelque chose qui va vous définir encore plus dans ce que vous êtes, dans ce que vous devez donner aux autres, dans ce que vous devez apporter aux autres. Moi, je sais que si je suis venue sur Terre, je pense que c'est pour partager de la musique ou mes chansons avec les autres, pour leur donner... leur faire oublier pendant une heure et demie, pendant un moment donné, leurs épreuves. Et donc, pendant cette heure et demie où ils sont dans ces parenthèses, je veux dire, où on partage le même rêve ensemble, ce même plaisir éphémère, je veux dire, après on repart chacun dans sa vie. Ben, si je suis venue que pour ça, que pour donner... cette force-là aux gens parce que je leur ai fait du bien, mais cette force-là, je l'ai acquise parce que peut-être j'ai eu ce chagrin de la perte de ma mère très tôt. Et justement, j'ai mis 10 ans pour me rendre compte que ma mère était partie pour me faire naître. Mourir pour renaître, c'est le bouddhisme, hein, mourir pour renaître. Donc moi, je suis morte de la mort de ma mère parce que j'aurais jamais chanté si elle n'était pas partie. Elle m'a laissé la place pour que je puisse me réaliser, ça j'en suis sûre. Et alors les petites chansons, Marie-Paul Bell est petite dans la mesure où elle dure 3, 4 minutes, oui, ou 2 minutes. Ces chansons-là sont des prières. Ou en tout cas des prières ce que nous sommes, nous, c'est-à-dire auditeurs ou spectateurs. Oui, même pour moi, je pense qu'au moment où je la fais... vous ne pouvez pas, chaque fois que vous chantez sur scène, vous ne pouvez pas être exactement comme quand vous l'avez créée, non, cette chanson. Non, je ne peux pas être exactement comme dans le moment où je la crée, mais je vous assure que chaque fois que je chante sur scène, je revis un sentiment. Parce que ça serait absolument insupportable de chanter La Parisienne depuis 76 et de pas y prendre du plaisir. Ça serait une horreur. Je m'amuse à chaque fois et je me mets un défi avec mon équipe, les sonorisateurs et l'éclairagiste, de la chanter différemment ou de faire un sort à tel mot ou de faire un truc ou un clin d'œil ou de m'arrêter à tel mot puisque je suis seule au piano depuis plus de 20 ans, de m'arrêter à tel moment pour faire un dialogue avec telle personne qui a intervenu ou qui a un rire. C'est vraiment le cabaret. C'est le style du cabaret, de l'échange immédiat et de l'improvisation. Et c'est ce plaisir-là, je veux dire. Donc, et dans les moments graves ou dans les moments engagés, il m'est arrivé de faire extrêmement attention de ne pas m'effondrer sur scène parce que je suis envahie par le sentiment des pleurs qui montent. Et à ce moment-là, je ne veux pas que mon timbre de voix change. Donc, je dois avoir la distanciation théâtrale aussi pour en même temps être complètement dans le sentiment et dans l'intériorité pour partager et offrir ça à la personne qui est en face de moi, la personne étant le trou noir, le public chaud, cette sensualité vivante et chaude qui est en face de moi. Mais en même temps, je dois garder un regard distancié, sinon je ne peux plus chanter. Vous ne pourriez plus chanter, par exemple, d'une chanson qu'on va pourtant écouter, mais comme c'est un disque, le problème ne se pose pas, c'est un peu d'angoisse et de café. Alors, vous nous avez dit dans la première partie de votre nuit rêvée, Marie-Paul Bell, enfin, j'ai appris en tout cas que votre sujet de thèse que vous n'avez pas soutenu, mais voilà, que vous écriviez, adolescente, oui, étudiante, c'était angoisse et expression. Oui. Alors, ça serait épouvantable de vous demander une analyse de texte, c'est-à-dire sur une chanson qui dure 3 minutes 50. Non, mais je peux vous raconter une anecdote qui est la vérité, l'histoire de cette chanson, comment elle est née. Un jour, à la mutualité, on était avec Françoise dans la salle en train de regarder la première partie d'un concert que je devais faire pour une œuvre de charité, je sais plus laquelle. Et donc pendant la première partie, j'étais allée à côté d'elle pour voir les numéros qu'il y avait qui passaient avant moi. Et il y avait un numéro d'acrobatie avec une femme un peu forte et ses deux enfants. Et ce numéro d'acrobatie était très cheap. Je veux dire, c'était assez triste, quoi. C'était comme un numéro d'acrobatie dans les petits cirques, justement. Et elle se mettait comme ça, un peu les jambes écartées, pliées, et sur une cuisse, sur la cuisse gauche, montait son fils qui se mettait à gauche, sur la cuisse droite un autre enfant, et puis après elle les faisait sauter par terre et elle faisait ha comme ça, comme si elle avait fait un exploit, et c'en était presque drôle, mais nous on avait envie de rire, et en même temps c'était dramatique. Et alors, j'étais sidérée qu'ils arrivent à travailler, quoi, parce qu'ils faisaient rien. Donc, on pouvait le faire à la maison, hein, je veux dire. Donc, je lui dis, je me penche vers Françoise et je lui dis, mais de quoi ils vivent ces gens-là? Et elle m'a répondu d'un peu d'angoisse et de café. Et c'est comme ça qu'est née la chanson. Et d'ailleurs, elle décrit dans la chanson la jeune femme, la jeune fille un peu maigre qui passe les accessoires et la femme qui soutient ses fils en pyramide. Et c'était vraiment cette image-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Marie-Paule Bell, où ce qui se passe dans la vie, comme ça vous donne, parolière, compositrice, envie d'écrire une chanson et qui pourrait aller vers la chanson comique et qui va vers la chanson complètement. Qui n'est pas. Enfin, vraiment. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que ce jour-là, vous étiez en état mais non, de... c'est Françoise, ce jour-là, ouais. qui a ressenti cette angoisse et ce drame, en fait, qu'il y avait dans cette chose. Et en même temps, ça déclenche le rire, comme les chansons réalistes de l'époque, qui racontent des chansons épouvantables, mon vieux pato, etc. Je veux dire, mais... T'es qu'une pauvre bête. Oui, c'est ça. Mais t'es bien meilleur que certaines gens. Oui, et donc on a envie de rire. C'est tellement... c'est une caricature, en fait. Oui, mais vous auriez pu composer une musique excessivement gaine sur cette chanson. Pourquoi vous ne l'avez pas fait et pourquoi vous êtes allé justement vers le bas? Parce que j'ai un tempérament mélancolique. En fait, dans la vie, je suis plutôt pessimiste et mélancolique. Et dès que je suis avec quelqu'un d'autre, etc., à ce moment-là, mon tempérament change et je m'ouvre différemment. Sinon, j'ai dû commencer, en voyant le début du texte, j'ai dû commencer toute seule. Je ne me souviens plus comment j'ai composé cette musique, mais ça a dû arriver comme ça, parce que peut-être sinon, j'aurais écrit une musique plus joyeuse. Alors, avant d'écouter cette chanson, Marie-Paule Bell, on va aussi, vous allez... parler de Cora Vauquer. C'est avec elle que l'on va terminer cette nuit spéciale, un entretien qu'elle avait accordé à Lucien Rioux en 1971. Enfin, elle en avait accordé toute une série, mais on va écouter simplement une quinzaine de minutes, 20 minutes. Et j'ai vu son dernier concert au Bouffe du Nord et c'était extraordinaire parce que elle était déjà très âgée et il y avait, on aurait pu penser que dans la salle, il n'y avait que des personnes, des seniors, on va dire, comme on dit aujourd'hui, mais c'était que des jeunes qui hurlaient tellement. C'était extraordinaire, parce que c'est notre dernière diseuse, en fait. Elle chantait, mais en même temps, c'était très théâtral, je veux dire, quand elle chantait comme au théâtre, ou quand elle chantait une chanson de Broncard que j'adore, qui est Messi, Messi, je t'aime. C'est l'histoire d'une femme qui est la compagne d'un homme d'affaires et qui lui promet toujours, tu vas voir, on va avoir une maison formidable et tu auras ton jardin au fond, etc. Il dit, Messi, je t'aime, mais enfin, tu comprends, les rendez-vous et tout ça, j'ai pas le temps, etc. Et à la fin, c'est elle qui lui dit, Messi, je t'aime et je m'en vais. Tu sais, le petit jardin et la maison dont tu m'avais parlé, eh bien, je voudrais au moins l'avoir pour les 10 ans qui me restent à vivre, etc. Et moi, à chaque fois qu'elle chantait ça à l'écluse, je pleurais. Et j'ai adoré cette femme. Elle était tellement douce et en même temps, elle savait très bien, elle connaissait parfaitement bien son métier, elle savait très bien où elle allait, et c'était un exemple, un modèle pour moi dans son aube blanche, comme ça, je veux dire, sur cette toute petite scène de l'écluse où quand on écartait les deux bras, je veux dire, on touchait les deux murs, je veux dire, c'était formidable. Mais je regrette qu'on n'interprète plus aujourd'hui dans la chanson, tout le monde a cette qualité technique qui est formidable. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui chante très bien, mais au niveau de l'interprétation, pour faire sortir un texte, c'est plus rare de trouver des gens qui ressentent ce qu'ils disent. Alors, votre nuit rêvée, deuxième partie de Nuit rêvée, Marie-Paul Bell, eh bien, ça sera avec Michel Grisolia, puis avec Jacques Offenbach, puis avec les fromages de chèvre et de brebis. Quel menu, hein. Voilà, Corse, dans De bouche à oreille, et puis avec les pensées tibétaines, une émission de Raphaël Antoven, dans Les nouveaux chemins de la connaissance, et puis on terminera donc avec Cora Vauquer. Merci. La jeune fille un peu maigre qui passe les accessoires, les couteaux, les bouquets, les ballons, les miroirs. La femme qui sourit avec deux dents en or, à qui on va passer des sabres dans le corps. Si par hasard on les regarde, on se demande quelquefois de quoi donc vivent ces gens-là. D'un peu d'angoisse, de café, beaucoup de poisse et de gaieté, deux éventails, un matin blême, le train du soir n'est pas chauffé, trois tourterelles et du lamé. Ce soir on applaudit à peine, mais de quoi vivons-nous nous-mêmes? D'un peu d'angoisse et de café. Le noir en satin blanc qui passe l'escabeau, qui jette la sciure et soigne les chevaux. La mère qui soutient ses fils en pyramide et qui sourit toujours, colossale et stupide. Si par hasard on les regarde, on se demande quelquefois, mais de quoi vivent ces gens? D'un peu d'angoisse et de café, beaucoup de poisse et de gaieté, un soir de gloire et puis la gêne, deux éventails, trois fleurs fanées, et sous les projecteurs qu'on aime, tant de modeste vanité. Mais de quoi vivons-nous nous-mêmes? D'un peu d'angoisse et de café. Et les cuivres chantaient, l'allocation chômage, l'Amazon au matin, fait aussi le ménage, le magicien debout, des jeunes d'un œuf dur. Et les cuivres chantaient le bonheur des cœurs purs, sans qu'une fois on les regarde, sans qu'on se demande pourquoi ils ont vécu tous ces gens. D'un peu d'angoisse et de café, beaucoup de poisse et de gaieté sous les néons glauques.